Toujours en Corée, il y a eu les 3 et 4 courants, l'exposé national des sciences et techniques du domaine agricole à l'école supérieure d'agronomie Kaehongsan de l'université Kim Il-sung, sous les auspices du comité central de la Fédération générale des scientifiques et des techniciens de Corée. Y ont participé les enseignants, chercheurs et techniciens de diverses unités d'activité. On y a présenté beaucoup de dissertations et les meilleurs auteurs ont reçu les diplômes et les prix.